Chapitre 44. Le bien-être, mais non la paix. Il fut heureux pour Marguerite que l'extrême tranquillité de la maison de Harley Street, pendant et après les couches d'Edith, lui permit de jouir du repos dont elle avait si grand besoin. Elle eut ainsi le temps de s'accoutumer au changement soudain qui avait eu lieu dans sa position pendant ces derniers mois. Elle se trouvait tout d'un coup habitante d'une maison luxueuse, où la simple connaissance des embarras et des préoccupations de la vie semblait avoir peine à pénétrer. Les roues de la machine de l'existence journalière y étaient si bien graissées qu'elles tournaient avec une facilité délicieuse. Mrs. Shaw et Edith ne pouvaient se lasser de fêter Marguerite à son retour dans ce qu'elle appelait sa maison, et elle se trouvait presque ingrate de sentir intérieurement que le presbytère de Helstone et même la pauvre maison de Milton, avec son père toujours inquiet, sa mère malade, et toutes les petites occupations nécessitées par une pauvreté relative, répondaient bien mieux à son idée du chez-elle que la maison de Harley Street. Edith était impatiente de se rétablir pour remplir la chambre de Marguerite des meubles confortables et de tous les jolis riens qui encombraient la sienne. Mrs. Shaw et sa femme de chambre s'occupaient à remettre en état la toilette de Marguerite. Le capitaine Lennox se montrait aimable, bon et distingué. Il passait chaque jour une heure ou deux dans la chambre de sa femme, jouait pendant une autre heure avec son petit garçon, et flânait à son club le reste de la journée lorsqu'il ne dînait pas en ville. Avant que Marguerite eût senti le besoin d'une vie plus active, Edith descendit au salon et reprit son rôle accoutumé dans la maison. Et Marguerite retomba dans sa vieille habitude d'admirer et de servir sa cousine. Elle débarrassait volontiers Edith de tous les petits devoirs qui ennuyaient celle-ci, écrivait ses billets, lui rappelait ses engagements, s'occupait d'elle lorsqu'aucun amusement n'était en vue, et que par suite Edith était disposée à se croire malade. Mais toute la famille était lancée dans les plaisirs de la saison de Londres, et Marguerite restait souvent seule. Ses pensées se reportent alors vers Milton avec un vif sentiment de contraste entre la vie qu'elle y avait menée et celle qu'elle menait actuellement. Elle commençait à se fatiguer de cette existence trop facile, où il n'y avait place pour aucune lutte ni pour aucun effort. Elle craignait de se laisser endormir dans l'oubli de tout ce qui était en dehors du bien-être, du luxe qui l'entourait. Il pouvait y avoir à Londres des travailleurs épuisés et affamés, mais elle ne les voyait jamais. Les domestiques eux-mêmes vivaient dans un monde souterrain dont elle ne connaissait ni les craintes ni les espérances. Ils semblaient n'exister que lorsqu'un besoin ou un caprice de leur maître les faisait tout à coup paraître. Il y avait un vide étrange dans le cœur et dans la vie de Marguerite. Elle se hasarda une fois à en exprimer confusément quelque chose à Edith. Celle-ci, fatiguée d'une nuit passée au bal, caressa languissamment la joue de Marguerite qui était près d'elle dans son ancienne position, assise sur un tabouret contre le sofa sur lequel sa cousine était étendue. « Pauvre enfant, » dit Edith, « c'est un peu triste pour toi de rester ainsi seule tous les soirs, justement dans le moment où tout le monde est si gai. Mais nous donnerons bientôt nos dîners, dès que Henry sera revenu de ses tournées, et cela te procurera quelques distractions. » « Ce n'est pas étonnant qu'elle soit mélancolique, pauvre chérie. » Marguerite ne croyait pas que les dîners dussent être un remède à ce dont elle se plaignait. Mais Edith était fière de ces dîners, si différents, disait-elle, des dîners de vieilles douairières que donnait maman. Et quant à Mrs. Shaw, elle paraissait trouver exactement le même plaisir dans le cercle de connaissances qui était du goût de Mr. et Mrs. Lennox, et dans les réunions cérémonieuses qu'elle présidait autrefois elle-même. Le capitaine Lennox se montrait un frère pour Marguerite. Elle l'aimait réellement beaucoup, excepté lorsqu'elle le voyait s'occuper avec anxiété de la toilette d'Edith, dans le désir que la beauté de celle-ci produisît de l'effet dans le monde. En ces occasions, toute la fierté intérieure de Marguerite se soulevait. Elle avait peine à contenir l'expression de ses sentiments. Voici comment se passait la journée de Marguerite. Une ou deux heures de tranquillité avant le déjeuner, conservé tard et à des heures irrégulières. Ce repas se prolongeait et Marguerite était obligée de rester jusqu'à la fin, parce qu'à la suite venaient les discussions des différents plans au sujet desquels, bien qu'ils ne la concernassent point, on voulait avoir son avis, ou tout au moins sa sympathie et son intérêt. Puis venait un nombre infini de billets à écrire, dont Edith la chargeait toujours en la caressant et la complimentant de ce qu'elle possédait l'éloquence du billet. Quelques instants se passaient à jouer avec Sholto lorsqu'il rentrait de sa promenade, outre qu'elle prenait soin de lui pendant le dîner des domestiques. Puis elle faisait ou recevait quelques visites, souvent un dîner ou quelque invitation acceptée par sa tante et ses cousins, laissait, il est vrai, un peu de liberté à Marguerite, mais elle en profitait mal. Elle attendait avec intérêt et impatience le retour de Dixon, qui était toujours à Milton, où elle s'occupait activement de tous les objets appartenant à la famille Hale. C'était pour le cœur de Marguerite une sorte de famine que cette ignorance complète où elle était au sujet de toutes les personnes au milieu desquelles elle avait vécu. À la vérité, Dixon, dans ses lettres, citait de temps à autre l'opinion de Mr. Thompson quant à ce qu'il y avait de mieux à faire au sujet des meubles, ou à la manière de traiter avec le propriétaire de la maison de Champton Terrace. Mais c'était seulement par hasard que ce nom ou tout autre nom de Milton se trouvait mentionné. Un soir, Marguerite était assise seule dans le salon. Elle ne lisait pas les lettres de Dixon, bien qu'elle les tînt dans sa main, mais elle y réfléchissait. Elle se rappelait les jours écoulés et la vie affairée de la ville manufacturière, et se demandait si tout continuait d'aller dans ce tourbillon comme si elle et son père n'eussent jamais existé, si personne dans cette foule ne la regrettait. Elle ne songeait pas à Higgins en ce moment. Lorsque tout à coup on annonça Mr. Bell, Marguerite serra à la hâte les lettres de Dixon dans son panier à ouvrage et se leva en rougissant comme si elle eût été surprise au milieu de quelque action coupable. « Oh, Monsieur Bell, je ne pensais guère à vous voir. Mais vous n'en êtes pas fâché, j'espère, malgré cela. Avez-vous dîné? Comment êtes-vous venu? Permettez-moi de vous faire servir à dîner. Si vous n'avez pas dîné vous-même. Autrement, vous savez que personne ne tient moins que moi à manger. Mais où sont les autres? Ils dînent en ville? Ils vous ont laissé seul? Oh oui, cela me repose. Je pensais justement... Mais... « Voulez-vous courir le risque d'un mauvais dîner? Je ne sais pas s'il y a quelque chose dans la maison. »« Pour vous dire la vérité, j'ai dîné à mon club. Seulement, ils n'y font pas la cuisine aussi bien qu'autrefois, de sorte que je pensais que si vous dîniez, j'essaierais de vous tenir compagnie. Mais n'importe, n'importe. Il n'y a pas 10 cuisiniers en Angleterre auxquels on puisse se fier pour un dîner improvisé. Ceux qui en ont le talent et les matériaux nécessaires n'ont pas souvent un assez bon caractère pour cela. » Vous me ferez seulement du thé, Marguerite. Et maintenant, dites-moi un peu à quoi vous pensiez. Vous alliez me le dire tout à l'heure. De qui sont ces lettres que vous avez cachées si rapidement, ma filleule? Oh, seulement de Dixon, dit Marguerite en rougissant. Bah, est-ce là tout? Qui pensez-vous qu'il soit venu dans le même train que moi? Je ne sais pas, dit Marguerite, décidée à ne pas deviner. Comment l'appelez-vous? Quel nom donne-t-on au frère d'un beau cousin? Monsieur Henry Lennox? Oui, vous l'avez connu autrefois, n'est-ce pas? Quelle sorte d'homme est-ce? Je l'aimais bien dans ce temps-là, dit Marguerite en baissant les yeux un instant. Mais elle les releva bientôt et continua de la manière la plus naturelle. Vous savez que depuis nous avons été en correspondance au sujet de Frédéric. Mais il y a 3 ans que je ne l'ai vu. Et il peut être changé. Comment l'avez-vous trouvé? Je n'en sais rien. Il était si occupé à deviner d'abord qui j'étais, et ensuite comment j'étais, qu'il ne m'a rien laissé voir de lui-même, à moins que je ne veuille regarder cette grande curiosité qu'il éprouvait de savoir à qui il avait affaire comme un indice révélateur de son caractère. Le trouvez-vous joli garçon, Marguerite? Certainement non, et vous? Moi non plus. Mais je croyais que peut-être vous pensiez différemment. Vient-il souvent ici? Je suppose que oui, lorsqu'il est à Londres. Il a toujours été en tournée depuis mon arrivée. Mais, Monsieur Bell, venez-vous d'Oxford ou de Milton? De Milton. Ne sentez-vous pas que je suis tout enfumé? Si, mais je pensais que cela pouvait être l'effet des antiquités d'Oxford. Allons, voyons, soyez raisonnable. J'aurais pu venir à bout de tous les propriétaires d'Oxford avec moins de peine que ne m'en a donné le vôtre à Milton, et il m'a fallu céder encore. Il ne veut nous reprendre la maison que du mois de juin prochain en 1 an. Heureusement, Mr. Thornton nous a trouvé un locataire. Pourquoi donc ne me demandez-vous pas des nouvelles de Mr. Thornton, Marguerite? Il s'est montré de vos amis, je vous assure. Il m'a évité la moitié de la peine et des embarras. Comment va-t-il? Comment va Mrs. Thornton? Dit Marguerite à la hâte et à demi-voix, bien qu'elle s'efforçât de parler naturellement. Je suppose qu'ils vont bien. Je suis resté chez eux jusqu'à ce que j'en étais chassé par le tapage perpétuel que causait le mariage de Miss Fanny. Thornton lui-même en était fatigué, bien qu'elle fût sa sœur. Il se retirait très souvent dans sa chambre. Il devient d'un âge à ne plus trouver beaucoup d'intérêt à ces sortes de choses, soit qu'il s'agisse du principal ou des accessoires. J'étais étonné de voir la vieille dame entraînée par le courant et se laisser emporter par l'enthousiasme de sa fille pour les fleurs d'oranger et les dentelles. J'aurais cru Mrs. Thornton une femme plus solide. Elle est capable de faire quoi que ce soit pour cacher la faiblesse de sa fille, dit Marguerite à demi-voix. Cela peut être. Vous l'avez donc étudiée. Elle ne paraît pas vous aimer à l'excès. Je sais bien que non, dit Marguerite. Oh, voilà enfin un thé, s'écria-t-elle comme soulagée. Avec le thé entra Mr. Henry Lennox qui, après avoir dîné, était venu à Harley Street, s'attendant évidemment à y trouver son frère et sa belle-sœur. Marguerite soupçonna qu'il était aussi satisfait qu'elle de la présence d'un tiers, car c'était la première fois qu'il se revoyait depuis la déclaration qu'il lui avait faite à Hailstone. Elle ne savait trop que dire dans le premier moment, et se trouvait heureuse que les occupations de la table à thé lui servissent d'excuse pour garder le silence et laisser à Mr. Lennox le temps de se remettre. Car, à dire vrai, il s'était dirigé avec un certain effort ce soir-là vers Harley Street, dans l'intention d'en finir tout de suite avec une rencontre qui eût été embarrassante, même en présence du capitaine, et qu'il était doublement, maintenant qu'il trouvait Marguerite seule, et qu'il était obligé de lui adresser la plus grande partie de la conversation. Elle retrouva la première sa présence d'esprit. « Monsieur Lennox, j'étais bien reconnaissante de toute la peine que vous avez prise pour Frédéric. Je regrette seulement d'avoir si mal réussi, répondit-il en jetant un coup d'œil du côté de Mr. Bell, comme pour savoir ce qu'il pouvait dire devant lui. Marguerite, comme si elle avait lu dans sa pensée, s'adressa à Mr. Bell de manière à imaginer qu'il était parfaitement au courant des démarches qui avaient été faites pour réhabiliter Frédéric. « Ce Horace, dit-il, ce dernier témoin, a été aussi inutile que tous les autres. Mr. Lennox a découvert qu'il s'est embarqué pour l'Australie au mois d'août dernier, 2 mois avant que Frédéric vînt en Angleterre. Et nous eût donné les noms de... « Frédéric est venu en Angleterre ? Vous ne m'aviez pas dit cela ?» s'écria Mr. Bell, étonné. « Je croyais que vous le saviez. Je ne doutais pas qu'on ne vous l'eût dit. Bien entendu, c'était un grand secret, peut-être n'eussais-je pas dû en parler maintenant ?» dit Marguerite, un peu confuse. « Je n'en ai jamais parlé ni à mon frère ni à votre cousine, » dit Mr. Lennox, avec une légère sécheresse qui n'est pas exempte de reproches. « N'ayez pas peur, Marguerite. Je ne vis pas au milieu d'un monde bavard et cancanier, ni parmi des gens qui s'efforcent de me faire parler. Il ne faut pas avoir l'air si effrayé parce que vous avez lâché le chat hors du sac devant un fidèle ermite tel que moi. Je ne dirai jamais qu'il est venu en Angleterre. Je n'aurai pas de tentation car personne ne me le demandera. » « Attendez, cependant, » dit-il, s'interrompant brusquement, « est-ce lors de l'enterrement de votre mère qu'il est venu ?»« Il était près de maman quand elle est morte, » dit doucement Marguerite. « C'est cela, c'est cela. Quelqu'un m'a demandé s'il n'était pas venu à cette époque et je l'ai nié formellement. Il n'y a pas longtemps, qui se pouvait-il être ?»« Oh, je me rappelle. » Mais il ne nomma pas la personne, et bien que Marguerite eût donné beaucoup pour savoir si ses soupçons étaient justes, et si c'était Mr. Thornton qui avait fait cette question, elle n'osa le demander à Mr. Bell. Il y eut un silence de quelques moments, puis Mr. Lennox, s'adressant à Marguerite, dit « Je suppose que, comme Mr. Bell est maintenant au fait de toutes les circonstances qui se rattachent à la malheureuse situation de votre frère, je ne puis mieux faire que de lui donner connaissance du point où en sont les recherches en ce moment. Si donc il veut me faire l'honneur de venir déjeuner avec moi demain, nous examinerons tout cela ensemble. J'aimerais à savoir tous les détails, s'il n'y a pas d'inconvénient. Ne pouvez-vous venir ici? Je n'ose me permettre de vous engager tous les deux à déjeuner bien, que je sois persuadé que vous seriez les bienvenus. Mais, je vous en prie, Mettez-moi au courant de tout ce qui concerne Frédéric, même quand il n'y aurait pas d'espérance pour le présent. J'ai un rendez-vous à 11h30. Je viendrai néanmoins si vous le désirez, répondit Mr. Lennox d'un air qui fit regretter à Marguerite la proposition qu'elle venait de faire. Mr. Bell se leva et chercha son chapeau qu'on avait changé de place lorsqu'on avait servi le thé. Je ne sais pas, dit-il, quelles sont les intentions de Mr. Lennox, mais je suis disposé à m'aller coucher. J'ai fait un long trajet aujourd'hui, et mes 60 ans me font sentir la fatigue d'un voyage. J'ai bien envie de rester pour attendre mon frère et ma sœur, dit Mr. Lennox, qui ne paraissait pas songer au départ. Marguerite fut saisie d'une sorte de terreur à l'idée de rester seule avec lui. La scène qui avait eu lieu sur la terrasse du petit jardin de Hailstone était si présente à son esprit qu'elle ne pouvait s'empêcher de croire qu'il en était de même pour lui. « Ne partez pas encore, Monsieur Bell, » dit-elle vivement. « Je désire que vous voyiez Edith et qu'Edith fasse votre connaissance, je vous en prie, » fit-elle, opposant sur le bras du vieux monsieur une main légère mais résolue. Mr. Bell la regarda et lut sur sa physionomie l'embarras qu'elle ressentait. Il se rassit, comme si cette petite main eût été douée d'une force irrésistible. « Vous voyez qu'elle m'opprime, Monsieur Lennox, » dit-il. « J'espère que vous avez remarqué le choix de ses expressions. Elle veut que je voie la cousine Edith qui, m'a-t-on dit, est une beauté. Mais elle a l'honnêteté de se servir d'un autre mot quand il s'agit de moi, et il faut que Mrs. Lennox me connaisse. Il paraît que vous ne me trouvez pas bien beau à voir, et Marguerite ?» Il plaisantait pour lui donner le temps de se remettre du léger trouble qu'elle avait éprouvé lorsqu'il lui avait parlé de se retirer. Elle prit le même ton et lui renvoya la balle. Mr. Lennox se demandait avec étonnement comment le capitaine avait pu dire qu'elle avait perdu toute sa beauté. Il est vrai que dans sa simple robe noire, elle faisait contraste avec Edith, qui entra bientôt en dansant, vêtue d'une robe de crêpe blanc, le visage entouré de ses longues boucles dorées. Elle sourit et rougit de la manière la plus gracieuse lorsqu'on lui présenta Mr. Bell, se rappelant qu'elle avait à soutenir sa réputation de beauté. Mrs. Shaw et le capitaine Lennox, chacun de leur côté, firent le plus aimable accueil à Mr. Bell, l'amenant en dépit de lui-même à les aimer, surtout lorsqu'il eut vu combien Marguerite prenait naturellement sa place entre eux, comme sœur et comme fille de la maison. « Quel dommage que nous n'ayons pas été ici pour vous recevoir, » dit Edith. « Et vous aussi, Henry, quoique je ne sois pas sûr que nous serions restés à la maison pour vous. Mais pour Mr. Bell, le Mr. Bell de Marguerite, on ne peut pas savoir jusqu'où vous auriez poussé le sacrifice, » dit Henry. « Peut-être jusqu'à renoncer à un grand dîner et au plaisir de mettre cette jolie robe. » Edith ne savait trop si elle devait rire ou se fâcher. Toutefois, comme son beau-frère ne voulait pas la mettre en colère, il continua. « Voulez-vous donner une preuve de votre disposition à faire des sacrifices, en m'invitant à déjeuner demain, afin que je puisse me trouver avec Mr. Bell, et une autre preuve en faisant servir à 9h30 au lieu de 10h ? J'ai des lettres et des papiers à montrer à Miss Hale et à Mr. Bell. J'espère que Mr. Bell voudra bien regarder ma maison comme la sienne pendant son séjour à Londres, » dit le capitaine Lennox. « Je suis désolé seulement de ne pouvoir lui offrir un lit. Merci, je vous suis obligé. Cela n'aurait servi qu'à me faire paraître un rustre, car j'aurais été obligé de le refuser, malgré la tentation qu'offre une si agréable compagnie, » dit Mr. Bell en saluant la ronde, et en se félicitant intérieurement de la manière élégante dont il avait tourné sa phrase. Sa pensée aurait pu se traduire ainsi. « Je n'aurai jamais la patience d'endurer des gens si convenables et si bien élevés. Cela ressemble à de la viande sans sel. Je suis enchanté qu'il n'ait pas de lit à m'offrir. Et comme je leur ai bien tourné mon compliment, la manie du bon ton me gagne tout à fait. » Cette satisfaction de lui-même dura jusqu'au moment où il se trouva dans la rue, marchant à côté de Henry Lennox. Il se rappela alors tout à coup le regard suppliant que Marguerite avait jeté vers lui en le priant de rester. Il se souvint aussi de ce qui lui avait été dit autrefois de l'admiration que professait Henry pour Marguerite. Ses pensées prirent une nouvelle direction. « Vous connaissez Miss Hale depuis longtemps, je crois, » dit-il. « Comment l'avez-vous trouvée ? Elle m'a semblé pâle et fatiguée. » « Je le trouvais fort bien. » Peut-être pas lorsque je suis entré, en y réfléchissant, mais lorsqu'elle s'est animée, elle était aussi jolie qu'elle l'a jamais été. « Elle a eu de grandes peines, » dit Mr. Bell. « Oui, J'ai appris avec tristesse tout ce qu'elle a eu à supporter. Non seulement le chagrin que cause toujours la mort de personnes si chères, mais encore la vive contrariété qu'elle a dû ressentir de la conduite de son père. La conduite de son père, répéta Miss Tobel avec un accent de surprise. Il faut qu'on vous en ait fait quelques récits erronés. Il s'est conduit de la manière la plus loyale et la plus consciencieuse. Il a montré plus de courage et de résolution que je ne l'aurais jamais cru capable. Peut-être j'étais en effet mal informé, mais son successeur Helstone, qui est un homme sensé et intelligent, un ecclésiastique actif et dévoué, m'a dit que rien n'obligeait Mr. Hale à se conduire comme il l'a fait, c'est-à-dire à résigner son bénéfice et à ne conserver pour lui et sa famille d'autres ressources que le prix des leçons qu'il donnait dans une ville manufacturière. L'évêque lui avait à la vérité offert un poste plus important, mais s'il avait des doutes, il pouvait rester où il était sans se démettre. Le fait est que ces ecclésiastiques de campagne mènent une vie si isolée, je veux dire isolée par rapport aux hommes d'un esprit cultivé et à ceux de leurs confrères sur lesquels ils pourraient régler leur esprit pour voir quand ils avancent ou quand ils reculent, qu'ils sont très portés à se tourmenter de doutes imaginaires au sujet des articles de foi et à négliger par de vagues scrupules des occasions de faire le bien. Je ne suis pas de votre avis. Je ne crois pas qu'il soit généralement très porté à agir comme l'a fait ce pauvre Hale. Mr. Bell enrageait intérieurement. Peut-être me suis-je servi d'une expression trop générale en disant très porté, mais il est certain que la vie qu'il mène est de nature à produire ou un orgueil démesuré, ou un état morbide de la conscience, répliqua Mr. Lennox avec un calme parfait. Ne voit-on pas d'exemple d'orgueil chez les avocats? Demanda Mr. Bell. Il est vrai qu'il y a probablement parmi eux peu de conscience morbide. Il était de plus en plus vexé, et il oubliait les bonnes manières qu'il se félicitait naguère d'avoir apprises. Mr. Lennox aperçut qu'il avait contrarié son compagnon, et comme il avait parlé presque uniquement pour dire quelque chose et passer le temps, la question en elle-même lui étant très indifférente, il lui en coûta peu de revenir sur ses pas. Il est certain qu'il est beau à un homme de l'âge de Mr. Hale de quitter un endroit qu'il a habité pendant 20 ans et de renoncer à toutes ses habitudes pour une idée, erronée sans doute, mais cela ne fait rien à l'affaire, enfin pour une pensée intangible. On ne peut s'empêcher de l'admirer, en mêlant toutefois cette admiration un peu de cette sorte de pitié qu'inspire Don Quichotte. C'était tout à fait un gentleman. Je n'oublierai jamais l'hospitalité digne et simple avec laquelle il m'a reçu à Hailstone. Mr. Bell, qui n'était adouci qu'à demi, mais qui, d'un autre côté, était bien aise de croire, pour apaiser certains scrupules de sa conscience, qu'il y avait réellement une teinte de Don Quichottisme dans la conduite de son ami Hale, reprit en grommelant. « Ah, et vous ne connaissez pas Milton encore. C'est un si grand contraste avec Hailstone. Il y a bien des années que je suis allé à Hailstone, mais je suis sûr que tout y est encore exactement comme je l'y ai laissé. » Chaque pierre et chaque arbre à la même place qu'il y a un siècle. Tandis que Milton, j'y vais tous les 4 ou 5 ans, j'y suis né, et cependant j'ai souvent de la peine à y retrouver mon chemin, parmi les bâtiments mêmes qui s'élèvent à l'endroit où était le verger de mon père. Est-ce ici que nous nous séparons? Eh bien, bonsoir, monsieur. Je suppose que nous nous reverrons à Harley Street demain matin. La pensée de Hailstone avait été éveillée dans l'esprit de Mr. Bell, par la conversation qu'il avait eue avec Mr. Lennox. Elle le poursuivit toute la nuit dans ses rêves. Il se revoyait professeur dans le collège où il avait maintenant le rang d'agrégé. Puis c'étaient les grandes vacances et il se trouvait près de son ami nouvellement marié, l'orgueilleux époux et l'heureux vicaire de Hailstone. Il faisait par-dessus les petits courants d'eau des sauts impossibles qui semblaient les tenir suspendus en l'air pendant des jours entiers. Le temps et l'espace seuls manquaient de réalité. Les événements se mesuraient sur l'émotion qu'ils produisaient, non sur leur existence. Les arbres étaient chargés d'un feuillage teint de 1000 couleurs de l'automne. Les doux parfums des fleurs et des herbes sauvages pénétraient tous les sens. La jeune épouse allait et venait dans sa maison, partagée entre l'humiliation que lui faisait ressentir la médiocrité de sa position et la fierté que lui faisait éprouver son mari beau, tendre et dévoué. C'est ainsi que Mr. Bell l'avait vu 20 ans auparavant. Ce rêve ressemblait si fort à une réalité que lorsqu'il s'éveilla, ce fut sa vie présente qui lui parut un rêve. Où était-il? Dans la chambre élégamment meublée d'un hôtel de Londres. Où étaient ceux qui, une minute auparavant, lui parlaient, le touchaient, se mouvaient autour de lui? Mort, à jamais absent. Il était lui-même un vieillard, lui qui tout à l'heure triomphait dans la force de la virilité. L'isolement complet de sa vie lui devint une pensée insupportable. Il se leva à la hâte et essaya d'oublier les temps qui ne devaient jamais revenir, en s'habillant sur le champ pour aller déjeuner à Harley Street. Il ne put prêter une grande attention à tous les détails que Mr. Lennox lui donna, ainsi qu'à Marguerite, sur la situation de Frédéric. Il ne remarqua pas la pâleur de la jeune fille, qui augmentait à mesure qu'elle voyait s'anéantir toute espérance de la réhabilitation de son frère. La voix de Mr. Lennox lui-même s'attendrit en terminant. Ce n'est pas que Marguerite ne connût d'avance le résultat, mais les détails de chaque échec successif finirent par lui arracher des larmes. Mr. Lennox s'arrêta. « Je ferais mieux d'en rester là, » dit-il d'un air de sympathie. « J'ai eu tort de proposer cette explication. » Le lieutenant Hale, et ce titre qu'on avait durement retiré à son frère, c'était déjà un adoucissement pour Marguerite de le lui entendre donner. Le lieutenant Hale est heureux. Il est dans une belle position de fortune. Il a devant lui un avenir assuré que sa carrière de marin n'eût pu lui donner, et il a sans doute adopté le pays de sa femme. « C'est justement cela, » dit Marguerite. « C'est égoïste à moi de le regretter, mais il est perdu pour moi et je me sens isolé. » Mr. Lennox feuilleta ses papiers et regretta de n'être pas déjà aussi riche qu'il espérait l'être un jour. Mr. Bell se moucha bruyamment, mais il se tut comme l'avocat, et Marguerite, au bout d'une minute ou deux, parut avoir recouvré son calme habituel. Elle remercia très gracieusement Mr. Lennox de la peine qu'il avait prise, d'autant plus gracieusement qu'elle sentait que, d'après la manière dont elle venait de se conduire, il pouvait craindre de n'avoir fait que lui causer une peine inutile. Et cependant, c'était là une peine dont elle n'eût pas voulu être privée. Mr. Bell s'approcha d'elle pour lui dire adieu. « Marguerite, » lui dit-il tout en mettant ses gants, « je m'en vais demain, à Hailstone, pour revoir le vieux presbytère. Vous plairait-il de venir avec moi? Ou bien cela vous ferait-il trop de peine ? Parlez franchement. » Oh, monsieur Bell. Et elle n'en put dire davantage, mais elle prit la vieille main goûteuse du vieillard et la baisa. Allons, allons, ça suffit, dit-il en rougissant d'embarras. Je suppose que votre tante voudra bien vous confier à moi. Nous partirons demain matin et nous serons là-bas à 2 heures, j'imagine. Nous commanderons notre dîner à la petite auberge, aux armes de Lanard, et nous irons chercher de l'appétit dans la forêt. « Êtes-vous de force, Marguerite ? Ce sera une épreuve pour tous deux, j'en suis sûr, mais pour moi du moins ce sera aussi un grand plaisir. Nous dînerons donc là avec du gibier, si nous pouvons nous en procurer, et pendant que je ferai mon somme, vous irez voir vos anciens amis. Je m'engage à vous ramener saine et sauve à Mrs. Shaw, à moins d'un accident de chemin de fer, vendredi, dans la journée. Il est inutile que j'essaie de vous dire combien cela me fera de plaisir. » dit Marguerite à travers ses pleurs. « Eh bien, alors prouvez-moi votre gratitude en tarissant vos larmes pendant ces 2 jours-là, car autrement je me mettrais à pleurer aussi, et je n'aime pas cela. » « Je ne pleurerai pas une seule fois, » dit Marguerite en s'efforçant de sourire. « À la bonne heure, voilà une bonne fille. Alors nous allons monter et convenir de tous nos arrangements. » Marguerite était toute tremblante pendant que Mr. Bell discutait son projet avec Mrs. Shaw, qui se montra d'abord étonnée, ensuite incertaine et irrésolue, et finit par céder à la brusquerie de Mr. Bell plus qu'à sa propre conviction, car elle ne put jamais arriver à décider si la chose était bonne ou mauvaise, convenable ou non, jusqu'à ce que le retour de Marguerite et l'heureux accomplissement de ce projet lui eussent fait décider que ça avait été une bien bonne pensée de Mr. Bell, et justement ce qu'elle-même désirait pour Marguerite, qui avait grand besoin de ses distractions après tant de chagrins.